on peut rien se cacher. Oui, je suis retourné à la fac, mais attention! La fac, pas la faculté. Pas ce repère de feignasse postado qui se gratte les couilles en fumant des joints tout en étant persuadé de pouvoir changer le monde! Non, non, non, non, non, non, non, non, non. Quoi donc? Moi, je parle de la fac. F-A-C. La foire aux connasses. Faut pas confondre. Comme en ce moment, je suis à la recherche de radas pour illustrer mon livre, Les mille et une façons d'humilier une touffe sans qu'elle porte plainte. Je me suis dit, c'est l'endroit rêvé. J'arrive donc à l'endroit en question. 10 € l'entrée. Et je me dis, purée, si à ce prix-là, je nique pas, je fais un scandale. Et puis j'arrive au premier stand. Femme prête au mariage. J'ai repéré une victime et je vais la voir. Salut, toi. Oui, ça va bien, merci. Tu veux quelque chose à manger? Tu veux boire un truc? Oh là là là! Doucement, la jument. On va d'abord. Je peux aller chercher des pantoufles si tu veux. Bon. Je me suis cassé, elle commençait à me faire peur, la greluche. J'ai changé de stand. Oh, le stand femme actuelle. Ça avait l'air plus moderne. C'était plus pour moi. Alors, je me suis lancé. Bonjour, tu... C'est quoi ton signe zodiacal? Je suis vierge, ascendant, marteau pilon, mais là n'est pas le problème, je... Alors, vierge, vierge, aujourd'hui tu vas faire des rencontres... Attends, 2 secondes, la morue, je... Alors, poisson, aujourd'hui... Une fois de plus, j'ai déguerpi. J'ai déguerpi comme un cadre de l'UDF à un spectacle de Didier Porte. Et puis, le spectacle, le schnapps et le café aidant, j'avais un Mars qui commençait à tomber de la machine à friandises. Je me dirige donc vers les toilettes... C'est élégant. Là, une voix me stoppe net. Hey, c'est pas l'air le crétin barésé. C'est les toilettes des femmes, là. Oh oui. Une belle voix de grognasse qui sentait bon la résistance à la culbute. Salut, cul de loutre. Je savais qu'à la foire à la connasse, j'allais trouver du gibier, mais du sauvage et résistant comme toi, j'en espérais pas tant. Allez, dégage de là, sale pervers, je te mets un coup de lacrymo. Oh, mais pas besoin de lacrymo, fion de veau. Ton corps, tes mots et ta bestialité sont déjà des promesses de larmes à l'œil. Allez, fous le camp, je te dis. Et c'est au moment où elle a saisi l'extincteur pour me le casser sur la tête que j'ai réagi. J'ai crié, stop! Elle s'est arrêtée tout net. Et puis... Non, je sais. T'as pas fait ça. C'est pas joli, c'est même pas très fair play, mais... J'ai enchaîné mon « Stop !» en chantant « Je n'ai pas changé, je suis toujours ce garçon plein de vices qui te chantait ses poèmes en te rasant les pubis. » Oh ! Elle était prise d'une crise de gaz ! Elle s'est jetée sur moi alors ! Le cornflakes, continue de me parler comme ça. Insulte-moi, humilie-moi, traite-moi comme un steak tartare. Urine sur ma vertu et mes principes, petit bourgeois chrétien de gauche. Et puis elle m'a mis un grand coup d'extincteur dans la gueule. Mais un coup d'extincteur, de quoi découiller un âne. Je me suis réveillé aux urgences de Cochin il y a moins d'une heure. Bon, je vous laisse, je vais m'acheter 10 dizaines d'extincteurs, je retourne à la foire aux connasses, moi. Je vais la prendre à vivre, moi, cette raclure. Au revoir, Zen.